défoncé sous cash. J'passe des heures au tel avec mon crush. Oh, fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Gucci bois d'argent, ça coûte cher, c'est pas donné. Les vacances que tu veux, elles coûtent cher, j'dois charbonner. Ta copine la folle, supprime-la, on la connaît. J'la cassais déjà quand j'lui vendais pour son nez. Elle est corda pour faire l'amour, mais elle veut pas de mon amour. Oh non non non, elle veut gentil garçon. Elle est corda pour faire l'amour, mais elle veut pas de mon amour. Oh non non non, elle veut gentil garçon. T'es défoncé sous cash. J'passe des heures au tel avec mon crush. Ouh, fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Trop belle c'est ta crush. Trop bonne c'est ta coche. Tu tournes avec elle dans la ville avec deux poils dans la sacoche. Ta crush elle veut du love, elle veut que tu la sortes, elle fait les hommes. Elle veut partir en voyage, elle en a marre d'rester à la maison. Noël. Elle te demande si tu l'aimes, tu dis ouais. Rempli de joints, tu préfères la zone et fumer des joints. Céline, Amel, toutes ses copines elles ramènent et ça fait coca. La belle, il débarque avec Baptiste et Kamel, ils sont dans la Clio. Ça rêve gros sous de voyage à Rio. La toute la ta crèche, tu l'as trahi. Oh. Elle veut même plus t'avoir un ami. Oh. T'es défoncé sous cache. J'passe des heures au tel avec mon crush. Oh, fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Fais pas ci, fais pas ça. Elle fait mal à la tête. Tu l'as trahi, oh. Mais plus t'avoir un ami. Elle est corda pour faire l'amour, mais elle veut pas de mon amour. Oh non non non, elle veut gentil.